Vous écoutez Futur Simple, toujours sur les belles ondes de CKRL au 89.1. Et pour terminer l'émission, nous allons tenter de regarder dans la boule de cristal des découvertes scientifiques à venir. En 2013, l'actualité scientifique a été bien remplie par des avancées en médecine, en écologie et en astronomie, entre autres. Alors, de quoi sera faite 2014? Christiane Dupont nous présente quelques prédictions. Bonjour Christiane. Bonjour François. Alors, à quoi pourrait-on s'attendre en médecine et en génomique? Justement, c'est toujours dur de faire des prédictions scientifiques. Qu'est-ce qui va être d'actualité en 2014? Mais il y a toujours quand même des avancées qui permettent, marquent l'actualité. Souvent la médecine, ce qu'on voit, mettons, quand on regarde les nouvelles, la science est rarement à la première ligne, mais qu'est-ce qui se rend jusqu'aux médias de masse, entre guillemets? Oui. C'est un peu ça l'idée. Alors, l'agence Science Presse a mis un peu un top 10 de ce qui pourrait attirer l'attention en 2014. Ce qu'on fait l'objet de l'actualité. Oui, là. C'est ça. Donc, toujours, on peut se tromper, mais bon, des choses importantes. Donc, côté médecine génomique, selon Nature, le gros dossier de 2014 pourrait être la naissance des premiers singes transgéniques. Oh, OK. Oui, donc, on est quelque chose d'assez proche de l'humain, hein, transgénique. Ben oui. Alors, des animaux qui naîtront avec des gènes qui vont les rendre, par exemple, plus susceptibles de subir des déficiences du système immunitaire ou des troubles du cerveau. Donc ça, c'est pour, j'imagine, étudier certains types de gènes, étudier des maladies. Uh-huh. Donc ça devient une manipulation assez forte. Uh-huh. Effectivement, parce qu'on change le code génétique. Oui, le code génétique. Donc il y a plusieurs groupes de recherche dans le monde qui travaillent chacun de leur côté. Et puis, bon, c'est sûr que c'est un objectif scientifique médical... qui est comme une course, probablement, parce que la première qui fait ça, elle a la visibilité complète. Mais les interrogations éthiques là-dedans, on sait pas trop. Hein? Même si c'est une course, qu'est-ce qu'on en fait après? Le débat public à ce niveau-là, souvent, si ça arrivait, bon, ça devient la une. Les gens se lèvent aux barricades, puis après ça, on n'en parle plus. Donc, pourtant, c'est un débat de fond très important, parce que si on peut le faire avec des singes, il y a beaucoup de chances que les humains, un jour, ça soit possible. C'est ça. Donc, c'est quelque chose à surveiller en 2014. Aussi, le génome d'un million d'années. Ça, c'est... fut un temps où on pensait que ça allait être... c'était assez impossible d'obtenir le génome d'un néandertalien, par exemple, parce que l'ADN serait... trop vieux, l'ADN c'est fragile, ça se dégrade dans le temps. Comment on ferait pour coder l'ADN d'un organisme qui est trop vieux? Parce qu'il serait, en fait décomposé. Oui, c'est ça. Avec il y aurait des fragments, on pourrait c'est rien ça. Faire avec ça. Alors que en cette fin d'année, on est passé déjà un record très impressionnant. Il y a l'ADN de néandertalien, de 100 000 ans qui a été décodé en 2006. C'est quand au même complet, honorable. Oui. Okay. Un hominidé de 400 000 ans. Aussi. Okay. Et puis, il y aurait peut-être l'Homo erectus, qui est un ancêtre encore plus ancien, qui serait dans la mire en 2014. Peut-être aussi un mammouth ou un microbe qui est très, très, très ancien. Donc, ça serait aussi quelque chose à surveiller en 2014. Et j'imagine que pour faire ça, il faut que les espèces retrouvées soient en très bonne condition. Oui, il faut une fossilisation particulière, j'imagine, dans probablement un niveau très anoxique, où ça a été très dans un substrat argileux, ou je sais pas, quelque chose qui garde l'empreinte facilement. Donc, je suis pas une professionnelle là-dedans. Ça doit être aussi conservé à froid pour que c'est pendant très longtemps. Oui, évidemment. Il y a aussi un volet, selon l'agence Science Presse, c'est les tests de dépistage, parce que maintenant, c'est rendu beaucoup à la mode. C'est disponible beaucoup aux États-Unis également de se faire décoder ces gènes. Or, vous êtes à risque pour telle maladie parce que vous avez tel gène. C'est un fait. Pourquoi pas, mais en même temps, c'est quoi l'impact de ces psychologique, premièrement, vous avez tel gène, ça vous donne X possibilités, X chances d'avoir tel cancer ou telle maladie. Est-ce qu'on veut vraiment savoir ça? Est-ce que notre qualité de vie s'améliore vraiment? Et puis, c'est pas non plus... C'est une possibilité, ça veut pas dire que vous allez l'avoir, mais là, ça vit comme... C'est comme un glaive au-dessus de la tête. Oui, c'est ça. Puis, savoir aussi comment la discrimination, est-ce que tu peux te faire assurer? Mais ça montre que vous avez tel gène. Donc, on vous assure pas, puisque votre... Surtout aux États-Unis, où les assurances santé sont privées, c'est quelque chose qui doit déjà faire un débat plus qu'ici, justement, à cause de la couverture médicale peut-être un peu plus déficiente. Donc ça aussi, c'est quelque chose à surveiller en 2014. OK. Et du côté, si on va du côté environnement puis du côté astronomique. Eh bien, environnement, justement, parlons de choses qui sont très anciennes dans le froid, comme on parlait pour le génome. Il y a l'Antarctique parce que, bon, le lac Vostok, ça fait, je crois, fait parler en 2013 ou peut-être en 2012, ma mémoire est peut-être pas chronologique, est peut-être pas parfaite, mais le lac Vostok est un lac sous la calotte glaciaire, finalement, en Antarctique, qui avait été, qui complètement privé, coupé du monde extérieur, mais qui est dégelé. Il y a eu un forage, ce sont les Russes. Et d'eau douce, pas d'eau salée. Oui, c'est ça. Donc, avec un biome qu'on connaît pas, la vie qu'on connaît pas. Puis, ça faisait plusieurs années, je crois, si je ne m'abuse, qu'il y avait des Russes qui foraient à travers pour se rendre, parce que du forage, c'est mètre par mètre, puis c'est des kilomètres d'épaisseur. Et puis, oui, c'est ça, sous 4 kilomètres de glace. Donc, ça dort depuis 15 millions d'années, ce lac-là. Et puis, ils se sont finalement rendus au bout, puis il y a eu comme un débat à savoir, est-ce qu'on veut vraiment aller briser cet équilibre, là? Oui, parce que, bon, en plus, un forage, ça amène des contaminants, du pétrole, de l'huile. Donc, finalement, le trou est ouvert. Donc, il y aurait probablement des analyses intéressantes à faire. Il y a sûrement des choses à découvrir. Oui, qui sont très vieilles et qui sont plus, qui sont plus là aujourd'hui. Tout aussi, bon, l'histoire des changements climatiques, parce que, bon, ça reste encore très d'actualité. Le GIEC a déposé en septembre 2013 un nouveau rapport. Bon, évidemment, il y avait pas de surprise là-dedans, ça confirmait le rapport précédent du GIEC également. Et puis, ce qui va être intéressant de surveiller, c'est l'apparition de 3 tomes prévus en mars 2014 de l'impact de l'adaptation et de la vulnérabilité. Donc, un aspect un peu plus concret. Là, on est dans le scientifique, oui, il y a des causes. Maintenant, l'impact physique sur les îles, les populations, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un peu plus humain. Puis, c'est cette tombe-là qui va sortir au printemps, là. Donc, ça va être un autre aspect intéressant. Côté astronomie, très, très fascinant, c'est... il y a une comète qui risque, qui s'appelle un nom charmant de Churyumov-Gerasimenko. Je le prononce très mal, mais bon, c'est son charmant nom. Et il va avoir une sonde de l'Agence spatiale européenne, Rosetta, qui va être le premier engin à poser la patte sur une comète en novembre. Donc, c'est pas une planète, c'est une comète. Et puis, donc, ça va être quelque chose à surveiller. Et il va avoir une sonde qui est en orbite sur Mars, indienne, qui va arriver sur Mars le 22 septembre. Et puis, Curiosity, qui a fait la une en 2013, est en train d'escalader le mont Sharp tranquillement et va continuer sa marche en 2014. Mm-hmm. Et rapidement, si on parle d'Internet et de confidentialité, qui a aussi fait jaser. Oui, beaucoup, parce que, bon, l'Internet, tout le monde est là-dessus maintenant. On a beaucoup d'informations, on magazine. Et puis, beaucoup aux États-Unis, la vie privée, qu'est-ce qui se passe là-dedans avec les révélations d'Edward Snowden en 2013? Ah oui, tout à fait. Bon, alors là, mais nos données s'achètent et des compagnies, on sait qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous achetez, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce qu'on est. Donc, s'il y a des gens qui veulent acheter ça pour faire de l'argent, il y en a d'autres qui vont vouloir acheter la confidentialité. Donc, tout cet aspect-là de confidentialité des données va être beaucoup aussi probablement au niveau cellulaire également, parce que les conversations peuvent être interceptées si on dit des mots-clés. Alors, ça va être quelque chose qui va sûrement faire la une en 2014. Alors, les paris sont ouverts pour ce que nous réservera 2004 comme surprise scientifique. Alors, merci beaucoup, Christiane. Merci.